Je vois bien les regards que vous posez sur moi. Rien n'est dû au hasard si je suis comme ça. Si j'aime les fanfreluches, les strass et les paillettes et mon boa. Est-ce ma faute à moi si ma peau ne tolère que soie et mohair et que je suis allergique aux chaussures en plastique, à la viscose et à l'acrylique? Mon cachemire et moi, on est comme deux doigts de la main. Y a pas de meilleur ami, pas plus fidèle que lui et mes beaux sous. Est-ce ma faute à l'instar des hommes pressés se jettent bien volontiers à mon tier, à mes pieds? Les rouges et les phares, les plumes, les parfums rares. Si mars sont ma passion, ma peau ne ton art, du matin jusqu'au soir. Et j'ai l'air sentir sur mon corps, les regards qui glissent comme du satin et mon bois. Et mes cheveux soyeux, et le vert de mes yeux attirent les regards envieux des femmes et des vieux. S'ils me trouvent superficielle, un peu légère et bien trop belle, alors tant mieux. Mon cachemire et moi, on est comme deux doigts de la main. Je suis pas de meilleur ami, pas plus fidèle que lui. Et mes beaux souliers, et à l'instar des hommes pressés, te jette bien volontiers à mes pieds. Il est vrai que plastique à la viscose, je préfère à l'art passer ma vie entière à chanter, à plaire et puis surtout parfaire. Élique ma collection de pierres, de jolies robes, de crinolines. Et de boa. Si j'aime consacrer mon temps et mes pensées à ce que vous nommez mes frivolités, c'est mon cas que je n'aime chemir et moi la politique, les guerres et les débats d'idées. Moi, on est comme on a jamais deux doigts de la main vu. Des chaussures qui s'entretuent, des chemisiers armés pour le combat. Paré, pas de prix, et mes beaux souliers